فائدة. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إلى ستة رحمه الله إلى ستة كتر كا du mukallaf par rapport à la qudra et l'ajz. Et c'est muhim. Et ça te montre كذلك que les gens ils sont pas au même niveau fi al-ajz wa adam al-qudra et fi al-qudra. On n'est pas au même niveau. كذلك fi al-darura, on n'est pas tous pareils. فلهذا il va te citer ces aqsam, inshallah ça va t'aider à comprendre mieux cette qaida. قال الامام ابن القيم رحمه الله وذكر هذا الكلام الشارح أخونا عبد الله الغولاني باش 106. أما كلام ابن القيم أخذه من نعم من بدائع الفوائد. قال رحمه الله المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور بمباشرتها من البدن له أربعة أحوال. هذا سان كلام نفيس. المكلف pour rapport à la capacité et l'incapacité dans une chose. قال والآلات المأمور بها أي الآلات سلي زوتي لموايا المأمور بمباشرتها من البدن لممبر مثلا faire salat debout, faire salat assis, enlever le munkar avec ta main, avec ta langue. Les gens ils sont pas pareils, ça donne 4 catégories في هذا. قال إحداها قدرته بهما فحكمه ظاهر. قال كالصحيح القادر على الماء. Il faut bien comprendre الآن إلى القدرة وكذلك الآلات المأمور بها أو بمباشرتها من البدن. إلى القدرة et il peut utiliser ses membres pour cette chose. مثلا واحد إلى les deux. فلهذا قال كالصحيح il est pas malade القادر على الماء. الصحيح القادر على الماء. Est-ce qu'il fait الوضوء بالماء؟ نعم. لا أكن إشكال. إلى القدرة. كيف يُتُلِزِ لَهُ؟ قال فالمأمور به هو استعمال الماء. إلى القدرة. قال وأعضاء الوضوء هي آلاته التي يباشر الماء بها. البلد. قال فهو هنا واجد للماء. donc il a le ماء. donc il est قادر. il a pas cet empêchement, il a pas d'eau, donc il passe pas au tayammum. كذلك يُبِي يُتُلِزِ لَهُ. donc t'as deux choses. t'as l'eau et t'as l'utilisation de l'eau. Si une des choses elle te manque, tu passes au tayammum. فلهذا احيانا بعض الناس ils ont un aperçu, ils ont une image ان التيمم c'est que pour les malades. Là, tu peux être en pleine forme, en bonne santé et tu fais le tayammum, tu trouves pas d'eau. مفهوم؟ هذا الحكم الظاهر. حكمه ظاهر كما قال ابن القيم رحمه الله عليه. donc في هذا الحال il fait ce wajib. il est pas عاجز بل il est قادر et l'eau elle est présente. قال الثانية deuxième cas. قال عجزه عنهما كالمريض العادم للماء. اصلا il peut pas utiliser l'eau. لماذا؟ لانه il est مريض. deuxièmement il y a même pas d'eau. حكمه ماذا هنا؟ est-ce que الوضوء بالماء c'est واجب عليه؟ لا. لماذا؟ on a une règle, c'est quoi؟ لا يكلف الله نفسا وسعها. الواجب يسقط مع العجز. فهو الآن il est مريض et en plus il n'y a pas d'eau. هذا il est obligé de passer au tayammum. Ces deux cas في الحقيقة ils sont clairs, ils sont simples. T'es capable et t'es incapable. Si t'es capable tu fais l'eau avec l'eau, si t'es incapable tu fais un tayammum. قال الثالثة قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به. قدرته ببدنه أي il est pas malade. وعجزه عن المأمور به أي l'eau, il n'y a pas d'eau. Donc il est sahih, il peut, lakin al-ala, cet outil, cette chose qui va faire avec l'eau, il n'y en a pas. قال فهو قادر بالنسبة إلى آلاته وأعضائه على استعماله لكنه غير واجد له. Il peut, lakin il trouve pas. في هذا الحال ماذا عليه؟ est-ce que c'est واجب عليه الطهارة بالماء؟ فماذا عليه؟ نعم ينتقل إلى التيمم. قال فحكمه الانتقال إلى بدله إن كان له بدل يقدر عليه. Et ça c'est مهم. Ça, ça te montre أن العاجز s'il ne peut pas faire une chose, ça ne veut pas dire qu'il délaisse la chose totalement. لا. لأن تعلمون il y a des عبادات, tu peux descendre d'une chose à une autre. تنتقل. مثلا il ne peut pas l'eau, il ينتقل إلى التيمم. Il ne peut pas salat debout, il ينتقل Qassi. Ça c'est mohim. Ama yad ibadat la. Matalan al-siyam. Wahed il dit, moi je peux faire siyam du tohur du fajr jusqu'au tohur. Après je peux pas. On lui dit la siyam alayk. La siyam c'est une ibada en une partie du fajr au maghrib. Celui qui peut il fait, celui qui peut pas, yasqut an. Mafhoum. Qala kat-tayammum. Tayammum c'est le badal. Qala au al-siyam fil kaffara. S'il peut pas, il passe à itq al-raqaba. S'il peut pas itq al-raqaba, franchir un esclave, il passe à it'am masakin. Vous avez vu les étapes. Tu peux pas faire deux mois consécutifs d'osiya. Il y en a, c'est ça le short, c'est consécutif. Il bascule à autre. Bien sûr que si tu fais shara, itq al-raqaba, il peut pas it'am masakin. Il peut pas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qala fa in lam yakun lahu badal سقط عنه وجوبه قال كالعريان العاجز عن ستر عورته في الصلاة فإنه يصلي ولا يعيد مثلا واحد il s'est retrouvé dans un endroit il a plus de vêtements الواجب في الصلاة c'est ماذا c'est واجب si il peut il fait pas sa salat elle est pas صحيحة الآن il est عاجز il a pas de بدل il trouve pas l'heure elle va sortir il fait الصلاة Il fait salat à la hali, voilà, il ne recommence pas. S'il retrouve des vêtements, il refait la prochaine salat, il fait la prochaine salat et il ne refait pas la précédente. Hada, c'est un misal tayyib. Al-Rabi'a, quatrième cas. Donc, troisième cas, il a le qudra. Lakin, il ne trouve pas l'eau. Fafi hada al-hal, il passe au badal. S'il ne peut pas, il ne trouve pas. Les autres exemples, on ne parle pas que de l'eau. Matalan, le mital avec les vêtements pour salat, il fait comme il peut. قال الرابعة عجزه ببدنه وقدرته على المأمور أو بدله. C'est l'inverse de la troisième. Il peut pas avec son corps, لكن المأمور il peut. L'exemple qu'il va donner, vous allez voir, c'est, vous allez comprendre, inshallah. قال فهو مورد الإشكال في هذه الأقسام وله صور. C'est ça الآن الإشكال dans cette sourate. قال إحداها المعذوب الذي لا يستمسك على الراحلة. À l'époque, تعلمون, ils faisaient le hajj. مثلا, ils ont des chameaux. Chacun il a son chameau, ils vont au hajj. هذا لا يستمسك على الراحلة. Il monte, il n'arrive pas à rester stable. Il peut tomber, il peut. هذا, il peut pas voyager là. On a un exemple là, à notre époque, ceux qui vivent loin, en Europe, en Afrique, en Asie, pour faire le hajj, بعضهم, il peut pas prendre l'avion. Pourtant, il a l'argent. Ce déplacement, ما يستطيع. مفهوم الآن pour vous rapprocher à la مسألة. قال المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مال يقدر أن يحج به عنه. Pourtant, il a le mal. Et il peut faire le hajj. Maintenant, s'il habitera à Mecca, il aurait fait le hajj. Très simplement et facilement. لكن الآن, il a ce problème, c'est de se déplacer. قال فهذا عاجز عن الحج بالنسبة إلى بدنه لكن له مال يقدر أن يحج به لو كان صحيحا نعم donc il a un problème في البدن malgré qu'il est pas malade لكن son بدن لا يتحمل le voyage إلى القدرة من حيث المال قال الصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على المأمور به وإن عجز عن مباشرته هو بنفسه وهذا قول الأكثرين ونظيره القادر على الجهاد بماله العاجز ببدنه إلى آخره الحج اللي واجب عليه اللي واجب عليه لأن إلى القدرة المالية لكن lui il peut pas le faire فالله أعلم s'il peut vraiment pas il donne le mal à quelqu'un et il fait le hajj pour lui قال الصورة الثانية الشيخ الكبير العاجز عن الصوم الصورة الثانية on est toujours le dernier cas قال العاجز عن الصوم القادر على الإطعام قال فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا في أصح أقوال العلماء وهو قول الأكثرين يا أخي لا في هذا est-ce que c'est واجب أم لا on avait détaillé dans les dourous du siyam قال السورة الثالثة المريض العاجز عن استعمال الماء لكنه قادر على بدله وهو التيمم قال فهذا حكمه حكم العادم وينتقل إلى بدله معروف تقدم قال والضابط هذا هذا ساكن مهم الضابط قال أن المعجوز عنه المعجوز مفعول من عجز أي cette chose il est incapable de la faire قال في ذلك كله إن كان له بدل انتقل إلى بدله Enfin, c'est pour ça que pour le Hajj, s'il ne peut pas le faire lui-même, il a l'argent, là qu'il lui-même ne peut pas se déplacer, enfin, à sahih, c'est qu'il paye wahed et il fait le Hajj pour lui. C'est ça le badal. لأن الحج دي واجب عليه إن كان له بدل انتقل إلى بدله ça c'est مهم ça montre que c'est pas ta une faiblesse أخي الكريم ou t'arrives pas à faire une chose tu la délaisses forcément totalement là celui qui peut pas faire صيام فإطعام مسكين كل يوم est-ce que c'est واجب ou مستحب ça c'est autre chose ça c'est autre chose si c'est واجب il doit le faire si c'est مستحب c'est mieux لكن pour te montrer qu'il y a un بدل قال أن المعجوز عنه بذلك كل إن كان له بدل انتقل إلى بدله وإن لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه s'il n'y a pas de بدل ففي هذا الحال يسقط عنه l'exemple qu'on a donné الصلاة بدون ثوب مثلا il trouve des morceaux de carton il peut se tirer sa aura avec il le fait il trouve rien il est dans un endroit il n'y a rien et il n'a plus de vêtements هذا الحال في الصلاة كم إذا؟ سيسون جماعة، يسون plusieurs. كما ذكر غير واحد من العلماء أن الإمام يسمي بعد ذو، لأنه إلى عريان. الإمام يسمي وسط القوم. مثلا يسون 5 هو يسمي au milieu et deux à sa droite, deux à sa gauche. في هذا الحال يغسط وسط الصف. إيه يفعل الإمام. quand il fait le recours, il faut tout se recours. هذا كلام مهم للإمام ابن القيم رحمة الله عليه.